Albert Savarus d'Honoré de Balzac, lu par Jean-François Ricou pour audiocité.net. Un des quelques salons où se produisait l'archevêque de Besançon sous la Restauration, et celui qu'il affectionnait était celui de Madame la baronne de Watteville. Un mot sur cette dame, le personnage féminin le plus considérable peut-être de Besançon. Monsieur de Watteville, petit-neveu du fameux Watteville, le plus heureux et le plus illustre des meurtriers et des renégats, dont les aventures extraordinaires sont beaucoup trop historiques pour être racontées, était aussi tranquille que son grand-oncle fut turbulent. Après avoir vécu dans la comté, comme un cloporte dans la fente d'une boiserie, il avait épousé l'héritière de la célèbre famille de Rupt. Mademoiselle de Rupt réunit 20 000 francs de rente en terre aux 10 000 francs de rente en bien-fonds du baron de Watteville. L'écusson du gentilhomme suisse, les Watteville sont de Suisse, fut mis en abîme sur le vieil écusson des deux Rupt. Ce mariage, décidé depuis 1802, se fit en 1815, après la seconde restauration. 3 ans après la naissance d'une fille, tous les grands-parents de Madame de Watteville étaient morts et leur succession liquidée. On vendit alors la maison de Monsieur de Watteville pour s'établir rue de la Préfecture, dans le bel hôtel de Rupt, dont le vaste jardin s'étend vers la rue du Perron. Madame de Watteville, jeune fille dévote, fut encore plus dévote après son mariage. Elle est une des reines de la Sainte Confrérie qui donne à la haute société de Besançon un air sombre et des façons prudes, en harmonie avec le caractère de cette ville. Monsieur le baron de Watteville, homme sec, maigre et sans esprit, paraissait usé, sans qu'on pût savoir à quoi, car il jouissait d'une ignorance crasse. Mais comme sa femme était d'un blond ardent, et d'une nature sèche devenue proverbiale, on dit encore pointue comme Madame de Watteville, quelques plaisants de la magistrature prétendaient que le baron s'était usé contre cette roche. Rupt vient évidemment de Rupes. Les savants observateurs de la nature sociale ne manqueront pas de remarquer que Rosalie fut l'unique fruit du mariage des Watteville et des deux Rupt. Monsieur de Watteville passait sa vie dans un riche atelier de tourneur. Il tournait. Comme complément à cette existence, il s'était donné la fantaisie des collections. Pour les médecins philosophes, adonnés à l'étude de la folie, cette tendance à collectionner est un premier degré d'aliénation mentale quand elle se porte sur les petites choses. Le baron de Watteville amassait les coquillages, les insectes et les fragments géologiques du territoire de Besançon. Quelques contradicteurs, des femmes surtout, disaient de Monsieur de Watteville « Il a une belle âme, il a vu dès le début de son mariage qu'il ne l'emporterait pas sur sa femme. Il s'est alors jeté dans une occupation mécanique et dans la bonne chère. » L'hôtel de Rupt ne manquait pas d'une certaine splendeur, digne de celle de Louis XIV, et se ressentait de la noblesse des deux familles, confondues en 1815. Il y brillait un vieux luxe qui ne se savait pas de mode. Les lustres de cristal taillés en forme de feuilles, les lampasses, les damas, les tapis, les meubles dorés, tout était en harmonie avec les vieilles livrées et les vieux domestiques. Quoique servi dans une noire argenterie de famille, autour d'un surtout en glace orné de porcelaine de Saxe, la chair y était exquise. Les vins choisis par Monsieur de Watteville, qui, pour occuper sa vie et y mettre de la diversité, s'était fait son propre sommelier, jouissaient d'une sorte de célébrité départementale. La fortune de Madame de Watteville était considérable, car celle de son mari, qui consistait dans la terre des Rouxey, valant environ 10 000 livres de rente, ne s'augmentant d'aucun héritage. Il est inutile de faire observer que la liaison très intime de Madame de Watteville avec l'archevêque avait impatronisé chez elle les trois ou quatre abbés remarquables et spirituels de l'archevêché qui ne haïssaient point la table. Dans un dîner d'apparat, rendu pour je ne sais quelle noce, au commencement du mois de septembre 1834, au moment où les femmes étaient rangées en cercle devant la cheminée du salon et les hommes en groupe aux croisées, il se fit une acclamation à la vue de monsieur l'abbé de Grancey, qu'on annonça. « Eh bien, le procès, lui cria-t-on. » « Gagné, répondit le vicaire général, l'arrêt de la cour, de laquelle nous désespérions, vous saviez pourquoi ?» Ceci était une allusion à la composition de la cour royale depuis 1830. Les légitimistes avaient presque tous donné leur démission. L'arrêt vient de nous donner gain de cause sur tous les points et réforme le jugement de première instance. Tout le monde vous croyait perdu. Et nous l'étions sans moi. J'ai dit à notre avocat de s'en aller à Paris, et j'ai pu prendre au moment de la bataille un nouvel avocat à qui nous devons le gain du procès, un homme extraordinaire. À Besançon, dit naïvement monsieur de Watteville. « À Besançon, répondit l'abbé de Grancey. Ah oui, Savaron, dit un beau jeune homme assis près de la baronne et nommé de Soulas. Il a passé 5 à 6 nuits, il a dévoré les liasses, les dossiers, il a eu 7 à 8 conférences de plusieurs heures avec moi, reprit monsieur de Grancey, qui reparaissait à l'hôtel de Rupt pour la première fois depuis 20 jours. Enfin, monsieur Savaron vient de battre complètement le célèbre avocat que nos adversaires étaient allés chercher à Paris. Ce jeune homme a été merveilleux au dire des conseillers. Ainsi, le chapitre est 2 fois vainqueur, il a vaincu en droit, puis en politique, il a vaincu le libéralisme dans la personne du défenseur de notre hôtel de ville. Nos adversaires, a dit notre avocat, ne doivent pas s'attendre à trouver partout de la complaisance pour ruiner les archevêchés. Le président a été forcé de faire silence. Tous les bisontins ont applaudi. Ainsi, la propriété des bâtiments de l'ancien couvent reste au chapitre de la cathédrale de Besançon. Monsieur Savaron a d'ailleurs invité son confrère de Paris à dîner au sortir du palais. En acceptant, celui-ci a dit « à tout vainqueur, tout honneur » et il l'a félicité sans rancune sur son triomphe. « Où donc avez-vous déniché cet avocat ?» dit madame de Watteville. « Je n'ai jamais entendu prononcer ce nom-là. » « Mais vous pouvez voir ces fenêtres d'ici, répondit le vicaire général. Monsieur Savaron demeure rue du Perron. Le jardin de sa maison est mur mitoyen avec le vôtre. » « Il n'est pas de la comté, dit monsieur de Watteville. « Il est si peu de quelque part qu'on ne sait pas d'où il est, dit madame de Chavoncourt. « Mais qu'est-il ? Demanda madame de Watteville en prenant le bras de monsieur de Soulas pour se rendre à la salle à manger. S'il est étranger, par quel hasard est-il venu s'établir à Besançon? C'est une idée bien singulière pour un avocat. Bien singulière, répéta le jeune abbé de Soulas, dont la biographie devient nécessaire à l'intelligence de cette histoire. De tout temps, la France et l'Angleterre ont fait un échange de futilités d'autant plus suivi qu'il échappe à la tyrannie des douanes. La mode que nous appelons anglaise à Paris se nomme française à Londres, et réciproquement. L'inimitié des deux peuples cesse en 2 points, sur la question des mots et sur celle du vêtement. God Save the King, l'air national de l'Angleterre, est une musique faite par Lully pour les chœurs d'Esther ou d'Athalie. Les paniers apportés par une Anglaise à Paris furent inventés à Londres. On sait pourquoi, par une Française, la fameuse duchesse de Portsmouth. On commença par s'en moquer si bien que la première Anglaise qui parut aux Tuileries faillit être écrasée par la foule. Mais ils furent adoptés. Cette mode a tyrannisé les femmes de l'Europe pendant un demi-siècle. À la paix de 1815, on plaisanta durant une année les tailles longues des Anglaises. Tout Paris alla voir Potier et Brunet dans les Anglaises pour rire. Mais en 1816 et 17, les ceintures des Françaises, qui leur coupaient le sein en 1814, descendirent par degrés jusqu'à leur dessiner les hanches. Depuis 10 ans, l'Angleterre nous a fait 2 petits cadeaux linguistiques. À l'incroyable, au merveilleux, à l'élégant, ces 3 héritiers des petits maîtres, dont l'étymologie est assez indécente, ont succédé le dandy, puis le lion. Le lion n'a pas engendré la lionne. La lionne est due à la fameuse chanson d'Alfred de Musset. Avez-vous vu dans Barcelone, c'est ma maîtresse et ma lionne. Il y a eu fusion, ou si vous voulez confusion, entre les 2 termes et les 2 idées dominantes. Quand une bêtise amuse Paris, qui dévore autant de chefs-d'œuvre que de bêtises, il est difficile que la province s'en prive. Aussi, dès que le lion promena dans Paris sa crinière, sa barbe et ses moustaches, ses gilets et son lorgnon tenus sans le secours des mains par la contraction de la joue et de l'arcade sourcilière, les capitales de quelques départements ont-elles vu des sous-lions qui protestèrent, par l'élégance de leurs sous-pieds, contre l'incurie de leurs compatriotes. Donc Besançon jouissait, en 1834, d'un lion dans la personne de ce monsieur Amédée Sylvain Jacques de Soulas, écrit sous le Yaz, au temps de l'occupation espagnole. Amédée de Soulas est peut-être le seul qui, dans Besançon, descende d'une famille espagnole. L'Espagne envoyait des gens faire ses affaires dans la comté, mais il s'y établissait fort peu d'Espagnols. Les Soulas y restèrent à cause de leur alliance avec le cardinal Granvelle. Le jeune monsieur de Soulas parlait toujours de quitter Besançon, ville triste, dévote, peu littéraire, ville de guerre et de garnison, dont les mœurs et l'allure, dont la physionomie valent la peine d'être dépeintes. Cette opinion lui permettait de se loger, en homme incertain de son avenir, dans 3 chambres très peu meublées au bout de la rue Neuve, à l'endroit où elle se rencontre avec la rue de la Préfecture. Le jeune monsieur de Soulas ne pouvait pas se dispenser d'avoir un tigre. Ce tigre était le fils d'un de ses fermiers, un petit domestique âgé de 14 ans, trapu, nommé Babylas. Le lion avait très bien habillé son tigre. Redingote courte en drap gris de fer, serrée par une ceinture de cuir verni, culotte de panne gros bleu, gilet rouge, bottes vernies et à revers, chapeau rond à bourdalou noir, des boutons jaunes aux armes des Soulas. Amédée donnait à ce garçon des gants de coton blanc, le blanchissage et 36 francs par mois, à la charge de se nourrir, ce qui paraissait monstrueux aux grisettes de Besançon. 420 francs à un enfant de 15 ans, sans compter les cadeaux. Les cadeaux consistaient dans la vente des habits réformés, dans un pourboire quand Soulas se troquait l'un de ses 2 chevaux, et la vente des fumiers. Les 2 chevaux, administrés avec une sordide économie, coûtaient l'un dans l'autre 800 francs par an. Le compte des fournitures à Paris en parfumerie, cravates, bijouterie, pots de vernis, habits, allait à 1200 francs. Si vous additionnez groom ou tigre, chevaux, tenue superlative et loyer de 600 francs, vous trouverez un total de 3000 francs. Or, le père du jeune monsieur de Soulas ne lui avait pas laissé plus de 4000 francs de rente produits par quelques métairies assez chétives qui exigeaient de l'entretien et dont l'entretien imprimait une malheureuse incertitude aux revenus. À peine restait-il 3 francs par jour au lion pour sa vie, sa poche et son jeu. Aussi dînait-il souvent en ville et déjeunait-il avec une frugalité remarquable. Quand il fallait absolument dîner à ses frais, il envoyait chercher par son tigre 2 plats chez un traiteur sans y mettre plus de 25 sous. Le jeune monsieur de Soulas passait pour un dissipateur, pour un homme qui faisait des folies, tandis que le malheureux nouait les 2 bouts de l'année avec une astuce, avec un talent qui eût se fait la gloire d'une bonne ménagère. On ignorait encore à Besançon, surtout, combien 6 francs de vernis étalés sur des bottes ou sur des souliers, des gants jaunes de 50 sous nettoyés dans le plus profond secret pour les faire servir 3 fois, des cravates de 10 francs qui durent 3 mois, 4 gilets de 25 francs et des pantalons qui emboîtent la botte imposent à une capitale. Comment en serait-il autrement, puisque nous voyons à Paris des femmes accordant une attention particulière à des sots qui viennent chez elles et l'emportent sur les hommes les plus remarquables à cause de ces frivoles avantages qu'on peut se procurer pour 15 louis, y compris la frisure et une chemise de toile de Hollande. Si cet infortuné jeune homme vous paraît être devenu lion à bien bon marché, apprenez qu'Amédée de Soula s'était allé 3 fois en Suisse, en char et à petite journée, 2 fois à Paris et 1 fois de Paris en Angleterre. Il passait pour un voyageur instruit et pouvait dire « En Angleterre où je suis allé, etc. » Les douairières lui disaient « Vous qui êtes allé en Angleterre, etc. » Il avait poussé jusqu'en Lombardie. Il avait côtoyé les lacs d'Italie. Il lisait les ouvrages nouveaux. Enfin, pendant qu'il nettoyait ses gants, le tigre Babylas répondait aux visiteurs « Monsieur travaille ». Aussi avait-on essayé de démonétiser le jeune monsieur Amédée de Soulas à l'aide de ce mot « C'est un homme très avancé ». Amédée possédait le talent de débiter avec la gravité byzantine les lieux communs à la mode, ce qui lui donnait le mérite d'être un des hommes les plus éclairés de la noblesse. Il portait sur lui la bijouterie à la mode et dans sa tête les pensées contrôlées par la presse. En 1834, Amédée était un jeune homme de 25 ans, de taille moyenne, brun, le thorax violemment prononcé, les épaules à l'avenant, les cuisses un peu rondes, le pied déjà gras, la main blanche et potelée, un collier de barbe, des moustaches qui rivalisaient celles de la garnison, une bonne grosse figure rougeaude, le nez écrasé, les yeux bruns et sans expression. D'ailleurs, rien d'espagnol. Il marchait à grands pas vers une obésité fatale à ses prétentions. Ses ongles étaient soignés, sa barbe était faite, les moindres détails de son vêtement étaient tenus avec une exactitude anglaise. Aussi regardait-on Amédée de Soulas comme le plus bel homme de Besançon. Un coiffeur qui venait le coiffer à heure fixe, autre luxe de 60 francs par an, le préconisait comme l'arbitre souverain en fait de mode et d'élégance. Amédée dormait tard, faisait sa toilette et sortait à cheval vers midi pour aller dans une de ses métairies tirer le pistolet. Il mettait à cette occupation la même importance qu'y mit Lord Byron dans ses derniers jours. Puis il revenait à 3 heures, admiré sur son cheval par les grisettes et par les personnes qui se trouvaient à leur croisée. Après de prétendus travaux qui paraissaient l'occuper jusqu'à 4 heures, il s'habillait pour aller dîner en ville et passait la soirée dans les salons de l'aristocratie byzantine à jouer au whist et revenait se coucher à 11 heures. Aucune existence ne pouvait être plus à jour, plus sage, ni plus irréprochable, car il allait exactement aux offices le dimanche et les fêtes. Pour vous faire comprendre combien cette vie est exorbitante, il est nécessaire d'expliquer Besançon en quelques mots. Nulle ville n'offre une résistance plus sourde et muette au progrès. À Besançon, les administrateurs, les employés, les militaires, enfin tous ceux que le gouvernement, que Paris y envoie occuper un poste quelconque, sont désignés en bloc sous le nom expressif de « la colonie ». La colonie est le terrain neutre, le seul où, comme à l'église, peuvent se rencontrer la société noble et la société bourgeoise de la ville. Sur ce terrain commencent, à propos d'un mot, d'un regard ou d'un geste, des haines de maison à maison, entre femmes bourgeoises et nobles, qui durent jusqu'à la mort et agrandissent encore les fossés infranchissables par lesquels les deux sociétés sont séparées. À l'exception des Clermont-Mont-Saint-Jean, des Beaufremont, des Dessais, des Gramont et de quelques autres qui n'habitent la comté que dans leurs terres, la noblesse byzantine ne remonte pas à plus de 2 siècles, à l'époque de la conquête par Louis XIV. Ce monde est essentiellement parlementaire et d'un rogue, d'un raide, d'un grave, d'un positif, d'une hauteur qui ne peut pas se comparer à la cour de Vienne, car les Byzantins feraient en ceci les salons viennois quinaux. De Victor Hugo, de Nodier, de Fourier, les gloires de la ville, il n'en est pas question, on ne s'en occupe pas. Les mariages entre nobles s'arrangent dès le berceau des enfants, tant les moindres choses comme les plus graves y sont définies. Jamais un étranger, un intrus ne s'est glissé dans ces maisons, et il a fallu pour y faire recevoir des colonels ou des officiers titrés appartenant aux meilleures familles de France quand ils s'en trouvaient dans la garnison, des efforts de diplomatie que le prince de Talleyrand eût été fort heureux de connaître pour s'en servir dans un congrès. En 1834, Amédée était le seul qui porta des sous-pieds à Besançon. Ceci vous explique déjà la lionnerie du jeune monsieur de Soulas. Enfin, une petite anecdote vous fera bien comprendre Besançon. Quelque temps avant le jour où cette histoire commence, la préfecture éprouva le besoin de faire venir de Paris un rédacteur pour son journal, afin de se défendre contre la petite gazette que la grande gazette avait pondue à Besançon, et contre le patriote que la République y faisait frétiller. Paris envoya un jeune homme, ignorant sa comté, qui débuta par un premier Besançon de l'école du Charivari. Le chef du parti Juste Milieu, un homme de l'hôtel de ville, fit venir le journaliste et lui dit « Apprenez, monsieur, que nous sommes graves, plus que graves, ennuyeux. Nous ne voulons point qu'on nous amuse, et nous sommes furieux d'avoir ri. Soyez aussi durs à digérer que les plus épaisses amplifications de la revue des Deux Mondes, et vous serez à peine au ton des Byzantins. » Le rédacteur se le tint pour dit, et parla le patois philosophique le plus difficile à comprendre. Il eut un succès complet. Si le jeune monsieur de Soulas ne perdit pas dans l'estime des salons de Besançon, ce fut pure vanité de leur part. L'aristocratie était bien aise d'avoir l'air de se moderniser et de pouvoir offrir aux nobles parisiens en voyage dans la comté un jeune homme qui leur ressemblait à peu près. Tout ce travail caché, toute cette poudre jetée aux yeux, cette folie apparente, cette sagesse latente avait un but, sans quoi le lion byzantin n'eût pas été du pays. Amédée voulait arriver à un mariage avantageux en prouvant un jour que ses fermes n'étaient pas hypothéquées et qu'il avait fait des économies. Il voulait occuper la ville, il voulait en être le plus bel homme, le plus élégant, pour obtenir d'abord l'attention, puis la main de Mademoiselle Rosalie de Watteville. Ah ! En 1830, au moment où le jeune monsieur de Soulas commença son métier de dandy, Rosalie avait 14 ans. En 1834, Mademoiselle de Watteville atteignait donc à cet âge où les jeunes personnes sont facilement frappées par toutes les singularités qui recommandaient Amédée à l'attention de la ville. Il y a beaucoup de lions qui se font lions par calcul et par spéculation. Les Watteville, riches depuis 12 ans de 50 000 francs de rente, ne dépensaient pas plus de 24 000 francs par an, tout en recevant la haute société de Besançon, les lundis et les vendredis. On y dînait le lundi, l'on y passait la soirée le vendredi. Ainsi, depuis 12 ans, quelle somme ne faisait pas 26 000 francs annuellement économisés et placés avec la discrétion qui distingue ces vieilles familles? On croyait assez généralement que, se trouvant assez riche en terre, Madame de Watteville avait mis dans le 3% ses économies en 1830. La dot de Rosalie devait alors se composer d'environ 40 000 francs de rente. Depuis 5 ans, le lion avait donc travaillé comme une taupe pour se loger dans le haut bout de l'estime de la sévère baronne, tout en se posant de manière à flatter l'amour-propre de Mademoiselle de Watteville. La baronne était dans le secret des inventions par lesquelles Amédée parvenait à soutenir son rang dans Besançon, et l'en estimait fort. Soulas s'était mis sous l'aile de la baronne quand elle avait 30 ans. Il eut alors l'audace de l'admirer et d'en faire une idole. Il en était arrivé à pouvoir lui raconter, lui seul au monde, les gaudrioles que presque toutes les dévotes aiment à entendre dire, autorisées qu'elles sont par leur grande vertu à contempler les abîmes sans y choir et les embûches du démon sans s'y prendre. Comprenez-vous pourquoi ce lion ne se permettait pas la plus légère intrigue? Il clarifiait sa vie. Il vivait en quelque sorte dans la rue, afin de pouvoir jouer le rôle d'amant sacrifié près de la baronne et lui régaler l'esprit des péchés qu'elle interdisait à sa chair. Un homme qui possède le privilège de couler des choses lestes dans l'oreille d'une dévote est à ses yeux un homme charmant. Si ce lion exemplaire eût mieux connu le cœur humain, il aurait pu sans danger se permettre quelques amourettes parmi les grisettes de Besançon qui les regardaient comme un roi. Ses affaires se seraient avancées auprès de la sévère et prude baronne. Avec Rosalie, ce caton paraissait dépensier. Il professait la vie élégante. Il lui montrait en perspective le rôle brillant d'une femme à la mode à Paris, où il irait comme député. Ses savantes manœuvres furent couronnées par un plein succès. En 1834, les maires des 40 familles nobles qui composent la haute société byzantine citaient le jeune monsieur Amédée de Soulas comme le plus charmant jeune homme de Besançon. Personne n'osait disputer la place au coq de l'hôtel de Rupt, et tout Besançon le regardait comme le futur époux de Rosalie de Vatteville. Il y avait eu déjà même à ce sujet quelques paroles échangées entre la baronne et Amédée, auxquelles la prétendue nullité du baron donnait une certitude. Mademoiselle de Vatteville, à qui sa fortune, énorme un jour, prêtait alors des proportions considérables, élevée dans l'enceinte de l'hôtel de Rupt que sa mère quitta rarement tant elle aimait le cher archevêque, avait été fortement comprimée par une éducation exclusivement religieuse et par le despotisme de sa mère qui la tenait sévèrement par principe. Rosalie ne savait absolument rien. Est-ce savoir quelque chose que d'avoir étudié la géographie dans Guthrie, l'histoire sainte, l'histoire ancienne, l'histoire de France et les quatre règles, le tout passé au tamis d'un vieux jésuite? Dessin, musique et danse furent interdits, comme plus propres à corrompre qu'à embellir la vie. La baronne apprit à sa fille tous les points possibles de la tapisserie et les petits ouvrages de femme, la couture, la broderie, le filet. À 17 ans, Rosalie n'avait lu que les lettres édifiantes et les ouvrages sur la science héraldique. Jamais un journal n'avait souillé ses regards. Elle entendait tous les matins la messe à la cathédrale où la menait sa mère, revenait déjeuner, travaillait après une petite promenade dans le jardin et recevait les visites assises près de la baronne jusqu'à l'heure du dîner. Puis après, excepté les lundis et les vendredis, elle accompagnait Madame de Vatteville dans les soirées, sans pouvoir y parler plus que ne le voulait l'ordonnance maternelle. À 18 ans, Mademoiselle de Vatteville était une jeune fille frêle, mince, plate, blonde, blanche et de la dernière insignifiance. Ses yeux d'un bleu pâle s'embellissaient par le jeu des paupières qui, baissées, produisaient une ombre sur ses joues. Quelques taches de rousseur nuisaient à l'éclat de son front, d'ailleurs bien coupé. Son visage ressemblait parfaitement à ceux des saintes d'Albert Durer et des peintures antérieures aux Pérugins. Même forme grasse, quoique mince, même délicatesse attristée par l'extase, même naïveté sévère. Tout en elle, jusqu'à sa pose, rappelait ces vierges dont la beauté ne reparaît dans son lustre mystique qu'aux yeux d'un connaisseur attentif. Elle avait de belles mains, mais rouges, et le plus joli pied, un pied de châtelaine. Habituellement, elle portait des robes de simple cotonnade, mais le dimanche et les jours de fête, sa mère lui permettait la soie. Ses modes faites à Besançon la rendaient presque laide, tandis que sa mère essayait d'emprunter de la grâce, de la beauté, de l'élégance au mode de Paris d'où elle tirait les plus petites choses de sa toilette. Par les soins du jeune monsieur de Soulas, Rosalie n'avait jamais porté de bas de soie, ni de brodequins, mais des bas de coton et des souliers de peau. Les jours de gala, elle était vêtue d'une robe de mousseline, coiffée en cheveux et avait des souliers en peau bronzée. Cette éducation et l'attitude modeste de Rosalie cachaient un caractère de fer. Les physiologistes et les profonds observateurs de la nature humaine vous diront, à votre grand étonnement peut-être, que dans les familles, les humeurs, les caractères, l'esprit, le génie reparaissent à de grands intervalles, absolument comme ce qu'on appelle les maladies héréditaires. Ainsi le talent, de même que la goutte, saute quelquefois de deux générations. Nous avons de ce phénomène un illustre exemple dans George Sand, en qui revivent la force, la puissance et le concept du maréchal de Saxe, de qui elle est petite fille naturelle. Le caractère décisif, la romanesque audace du fameux Watteville, était revenu dans l'âme de la petite nièce, encore aggravée par la ténacité, par la fierté du sang des deux ruptes. Mais ses qualités ou ses défauts, si vous voulez, étaient aussi profondément cachés dans cette âme de jeune fille, en apparence molle et débile, que les laves bouillantes le sont sous une colline avant qu'elle ne devienne un volcan. Madame de Watteville, seule, soupçonnait peut-être ce legs des deux sangs. Elle se faisait si sévère pour sa Rosalie qu'elle répondit un jour à l'archevêque qui lui reprochait de la traiter trop durement. « Laissez-moi la conduire, monseigneur, je la connais. Elle a plus d'un Belzébuth dans sa peau. » La baronne observait d'autant mieux sa fille qu'elle y croyait son honneur de mère engagé. Enfin, elle n'avait pas autre chose à faire. Clotilde de Rupt, alors âgée de 35 ans, et presque veuve d'un époux qui tournait des coquetiers en toute espèce de bois, qui s'acharnait à faire des cercles à cirets en bois de fer, qui fabriquait des tabatières pour sa société, coquetait en tout bien tout honneur avec Amédée de Soulas. Quand ce jeune homme était au logis, elle renvoyait et rappelait tour à tour sa fille, et tâchait de surprendre dans cette jeune âme des mouvements de jalousie, afin d'avoir l'occasion de les dompter. Elle imitait la police dans ses rapports avec les républicains, mais elle avait beau faire, Rosalie ne se livrait à aucune espèce d'émeute. La sèche dévote reprochait alors à sa fille sa parfaite insensibilité. Rosalie connaissait assez sa mère pour savoir que si elle eût trouvé bien le jeune monsieur de Soulas, elle se serait attirée quelques vertes remontrances. Aussi, à toutes les agaceries de sa mère, répondait-elle par ces phrases si improprement appelées jésuitiques, car les jésuites étaient forts, et ces réticences sont les chevaux de frise derrière lesquels s'abrite la faiblesse. La mère traitait alors sa fille de dissimulée, si, par malheur, un éclat du vrai caractère des Watteville et des deux Ruptes se faisait jour. La mère s'armait du respect que les enfants doivent aux parents pour réduire Rosalie à l'obéissance passive. Ce combat secret avait lieu dans l'enceinte la plus secrète de la vie domestique, à huis clos. Le vicaire général, ce cher abbé de Grancey, l'ami du défunt archevêque, quelque fort qu'il fût en sa qualité de grand pénitencier du diocèse, ne pouvait pas deviner si cette lutte avait issu quelque haine entre la mère et la fille, si la mère était par avance jalouse, ou si la cour que faisait Amédée à la fille, dans la personne de la mère, n'avait pas outrepassé les bornes. En sa qualité d'ami de la maison, il ne confessait ni la mère ni la fille. Rosalie, un peu trop battue moralement parlant à propos du jeune monsieur de Soulas, ne pouvait pas le souffrir, pour employer un terme du langage familier. Aussi, quand il lui adressait la parole en tâchant de surprendre son cœur, le recevait-elle assez froidement. Cette répugnance, visible seulement aux yeux de sa mère, était un continuel sujet d'admonestation. Rosalie, je ne vois pas pourquoi vous affectez tant de froideur pour Amédée. Est-ce parce qu'il est l'ami de la maison et qu'il nous plaît à votre père et à moi? Eh, maman, répondit un jour la pauvre enfant, si je l'accueillais bien, n'aurais-je pas plus de tort? Qu'est-ce que cela signifie? S'écria madame de Watteville. Qu'entendez-vous par ces paroles? Votre mère est injuste, peut-être, et selon vous, elle le serait dans tous les cas. Que jamais il ne sorte plus de pareilles réponses de votre bouche, à votre mère, etc. Cette querelle dura 3 heures, 3 quarts, et Rosalie en fit l'observation. La mère devint pâle de colère et renvoya sa fille dans sa chambre, où Rosalie étudia le sens de cette scène, sans y rien trouver, tant elle était innocente. Ainsi, le jeune monsieur de Soulas, que toute la ville de Besançon croyait bien près du but vers lequel il tendait, cravate déployée, à coups de peau de vernis, et qui lui faisait user tant de noir à cirer les moustaches, tant de jolis gilets, de fer de chevaux et de corsets, car il portait un gilet de peau, le corset des lions, Amédée en était plus loin que le premier venu, quoiqu'il eût pour lui le digne et noble abbé de Grancey. Rosalie ne savait pas d'ailleurs encore, au moment où cette histoire commence, que le jeune comte Amédée de Souleillaz lui fut destiné. « Madame, dit monsieur de Soulas en s'adressant à la baronne, en attendant que le potage un peu trop chaud se fût refroidi, et en affectant de rendre son récit quasi romanesque, un beau matin la malle-poste a jeté dans l'hôtel national un Parisien qui, après avoir cherché des appartements, s'est décidé pour le premier étage de la maison de mademoiselle Galard, rue du Perron. Puis l'étranger est allé droit à la mairie y déposer une déclaration de domicile réel et politique. Enfin, il s'est fait inscrire au tableau des avocats près la cour en présentant des titres en règle, et il a mis des cartes chez tous ses nouveaux confrères, chez les officiers ministériels, chez les conseillers de la cour, et chez tous les membres du tribunal, une carte où se lisait « Albert Savaron ». « Le nom de Savaron est célèbre, dit Rosalie, qui était très forte en sciences héraldiques. Les Savarons de Savarus sont une des plus vieilles, des plus nobles et des plus riches familles de Belgique. Il est français et troubadour, reprit Amédée de Soulas. S'il veut prendre les armes des Savarons de Savarus, il y mettra une barre. Il n'y a plus en Brabant qu'une demoiselle Savarus, une riche héritière à marier. La barre est à la vérité signe de bâtardise, mais le bâtard d'un comte de Savarus est noble, reprit mademoiselle de Watteville. Assez, Rosalie, dit la baronne. Vous avez voulu qu'elle sue le blason, fit le baron, elle le sait bien. Continuez à m'aider. Vous comprenez que dans une ville où tout est classé, défini, connu, casé, chiffré, numéroté comme à Besançon, Albert Savaron a été reçu par nos avocats sans aucune difficulté. Chacun s'est contenté de dire « Voilà un pauvre diable qui ne sait pas son Besançon. Qui diable a pu lui conseiller de venir ici? Qui prétend-il faire? Envoyer sa carte chez les magistrats au lieu d'y aller en personne? Quelle faute !» Aussi, 3 jours après, plus de Savaron. Il a pris pour domestique l'ancien valet de chambre de feu M. Galard, Jérôme, qui sait faire un peu de cuisine. On a d'autant mieux oublié Albert Savaron que personne ne l'a ni vu ni rencontré. « Il ne va donc pas à la messe ?» dit Madame de Chavoncourt. « Il y va le dimanche à Saint-Pierre, mais à la première messe à 8 heures. Il se lève toutes les nuits entre 1 heure et 2 du matin. Il travaille jusqu'à 8 heures, il déjeune, et après il travaille encore. » Il se promène dans le jardin. Il en fait 50 fois, 60 fois le tour. Il rentre, dîne et se couche entre 6 et 7 heures. « Comment savez-vous tout cela ?» dit Madame de Chavoncourt à Monsieur de Soulas. « D'abord, Madame, je demeure rue Neuve, au coin de la rue du Perron. J'ai vu sur la maison où loge ce mystérieux personnage. Puis il y a naturellement des protocoles entre mon tigre et Jérôme. » « Vous causez donc avec Babylas ? Que voulez-vous que je fasse dans mes promenades ?»« Eh bien, comment avez-vous pris un étranger pour avocat ?» dit la baronne en rendant ainsi la parole au vicaire général. Le premier président a joué le tour à cet avocat de le nommer d'office pour défendre aux assises un paysan à peu près imbécile, accusé de faux. Monsieur Savaron a fait acquitter ce pauvre homme en prouvant son innocence et démontrant qu'il avait été l'instrument des vrais coupables. Non seulement son système a triomphé, mais il a nécessité l'arrestation de 2 des témoins qui, reconnus coupables, ont été condamnés. Ces plaidoiries ont frappé la cour et les jurés. L'un d'eux, un négociant, a confié le lendemain à M. Savaron un procès délicat qu'il a gagné. Dans la situation où nous étions, par l'impossibilité où se trouvait M. Berrière de venir à Besançon, M. de Jarcenaud nous a donné le conseil de prendre ce M. Albert Savaron en nous prédisant le succès. Dès que je l'ai vu, que je l'ai entendu, j'ai eu foi en lui et je n'ai pas eu tort. A-t-il donc quelque chose d'extraordinaire ? Demanda Madame de Chavoncourt. Oui, répondit le vicaire général. Eh bien, expliquez-nous cela, dit Madame de Watteville. La première fois que je le vis, dit l'abbé de Grancey, il me reçut dans la première pièce après l'antichambre, l'ancien salon du bonhomme Galard, qu'il a fait peindre tout en vieux chêne, et que j'ai trouvé entièrement tapissé de livres de droit contenus dans des bibliothèques également peintes en vieux bois. Cette peinture et les livres sont tout le luxe, car le mobilier consiste en un bureau de vieux bois sculpté, 6 vieux fauteuils en tapisserie, aux fenêtres des rideaux de couleur carmélite bordés de vert, et un tapis vert sur le plancher. Le poêle de l'antichambre chauffe aussi cette bibliothèque. En l'attendant là, je ne me figurais point mon avocat sous des traits jeunes. Ce singulier cadre est vraiment en harmonie avec la figure, car M. Savaron est venu en robe de chambre de mérinos noir, serré par une ceinture en corde rouge, des pantoufles rouges, un gilet de flanelle rouge, une calotte rouge. « La livrée du diable !» s'écria Madame de Watteville. « Oui, dit l'abbé, mais une tête superbe. Cheveux noirs, mélangés déjà de quelques cheveux blancs, des cheveux comme en ont les saints Pierre et les saints Paul de nos tableaux, à boucles touffues et luisantes, des cheveux durs comme des crins, un cou blanc et rond comme celui d'une femme, un front magnifique séparé par ce sillon puissant que les grands projets, les grandes pensées, les fortes méditations inscrivent au front des grands hommes. Un teint olivâtre, marbré de taches rouges, un nez carré, des yeux de feu, puis les joues creusées, marquées de deux rides longues pleines de souffrance, une bouche à sourire sarde et un petit menton mince et trop court. La patte d'oie aux tempes, les yeux caves roulant sous des arcades sourcilières comme deux globes ardents, mais malgré tous ces indices de passion violente, un air calme, profondément résigné, la voix d'une douceur pénétrante, et qui m'a surpris au palais par sa facilité, la vraie voix de l'orateur, tantôt pure et rusée, tantôt insinuante, étonnant quand il le faut, puis se pliant au sarcasme et devenant alors incisive. M. Albert Savaron est de moyenne taille, ni gras ni maigre. Enfin, il a des mains de prélat. La seconde fois que je suis allé chez lui, il m'a reçu dans sa chambre qui est contiguë à cette bibliothèque et a souri de mon étonnement quand j'y ai vu une méchante commode, un mauvais tapis, un lit de collégien et aux fenêtres des rideaux de calicot. Il sortait de son cabinet où personne ne pénètre, m'a dit Jérôme, qui n'y entre pas et qui s'est contenté de frapper à la porte. Monsieur Savaron a fermé lui-même cette porte à clé devant moi. La troisième fois, il déjeunait dans sa bibliothèque de la manière la plus frugale. Mais cette fois, comme il avait passé la nuit à examiner nos pièces, que j'étais avec notre avoué, que nous devions rester longtemps ensemble, et que le cher monsieur Girardet est verbeux, j'ai pu me permettre d'étudier cet étranger. Certes, ce n'est pas un homme ordinaire. Il y a plus d'un secret derrière ce masque à la fois terrible et doux, patient et impatient, plein et creusé. Je l'ai trouvé voûté légèrement, comme tous les hommes qui ont quelque chose de lourd à porter. Pourquoi cet homme si éloquent a-t-il quitté Paris? Dans quel dessein est-il venu à Besançon? On ne lui a donc pas dit combien les étrangers y avaient peu de chances de réussite? On s'y servira de lui, mais les Byzantins ne l'y laisseront pas se servir d'eux. Pourquoi, s'il est venu, a-t-il fait si peu de frais qu'il a fallu la fantaisie du premier président pour le mettre en évidence? Dit la belle Madame de Chavoncourt. Après avoir bien étudié cette belle tête, reprit l'abbé de Grancey, qui regarda finement son interruptrice en donnant à penser qu'il traitait quelque chose, et surtout après l'avoir entendu répliquant ce matin à l'un des aigles du barreau de Paris, je pense que cet homme, qui doit avoir 35 ans, produira plus tard une grande sensation. Pourquoi nous en occuper? Votre procès est gagné, vous l'avez payé, dit madame de Watteville en observant sa fille, qui, depuis que le vicaire général parlait, était comme suspendue à ses lèvres. La conversation prit un autre cours, et il ne fut plus question d'Albert Savaron. Le portrait esquissé par le plus capable des vicaires généraux du diocèse eut d'autant plus l'attrait d'un roman pour Rosalie qu'il s'y trouvait un roman. Pour la première fois de sa vie, elle rencontrait cet extraordinaire, ce merveilleux que caressent toutes les jeunes imaginations et au-devant duquel se jette la curiosité, si vive à l'âge de Rosalie. Quel être idéal que cet Albert, sombre, souffrant, éloquent, travailleur, comparé par mademoiselle de Watteville à ce gros comte joufflu, crevant de santé, diseur de fleurettes, parlant d'élégance en face de la splendeur des anciens comtes de Rupt. Amédée ne lui valait que des querelles et des remontrances. Elle ne le connaissait d'ailleurs que trop, et cet Albert Savaron offrait bien des énigmes à déchiffrer. « Albert Savaron de Savarus », répétait-elle en elle-même. Puis le voir, l'apercevoir, ce fut le désir d'une jeune fille jusque-là sans désir. Elle repassait dans son cœur, dans son imagination, dans sa tête, les moindres phrases dites par l'abbé de Grancey, car tous les mots avaient porté coup. « Un beau front », se disait-elle en regardant le front de chaque homme assis à la table. « Je n'en vois pas un seul de beau. Celui de monsieur de Soulas est trop bombé. Celui de monsieur de Grancey est beau, mais il a 70 ans et n'a plus de cheveux. On ne sait plus où finit le front. « Qu'avez-vous, Rosalie, vous ne mangez pas ?»« Je n'ai pas faim, maman, » dit-elle. « Des mains de prélat, » reprit-elle en elle-même. « Je ne me souviens plus de celle de notre bel archevêque, qui m'a cependant confirmé. » Enfin, au milieu des allées et venues qu'elle faisait dans le labyrinthe de sa rêverie, elle se rappela, brillante à travers les arbres des deux jardins contigus, une fenêtre illuminée qu'elle avait aperçue de son lit, quand par hasard elle s'était éveillée pendant la nuit. « C'était donc sa lumière, » se dit-elle. « Je le pourrai voir, je le verrai. » « Monsieur de Grancey, tout est-il fini pour le procès du chapitre ?» dit à brûle-pourpoint Rosalie au vicaire général pendant un moment de silence. Madame de Watteville échangea rapidement un regard avec le vicaire général. « Et qu'est-ce que cela vous fait, ma chère enfant ?» dit-elle à Rosalie, en y mettant une feinte douceur qui rendit sa fille circonspecte pour le reste de ses jours. « On peut nous mener en cassation, mais nos adversaires y regarderont à deux fois, » répondit l'abbé. Je n'aurais jamais cru que Rosalie pût penser pendant tout un dîner à un procès, reprit madame de Watteville. Ni moi non plus, dit Rosalie avec un petit air rêveur qui fit rire, mais monsieur de Grancey s'en occupait tant que je m'y suis intéressé. C'est bien innocent. On se leva de table, et la compagnie revint au salon. Pendant toute la soirée, Rosalie écouta pour savoir si l'on parlerait encore d'Albert Savaron. Mais, hormis les félicitations que chaque arrivant adressait à l'abbé sur le gain du procès, et où personne ne mêla l'éloge de l'avocat, il n'en fut plus question. Mademoiselle de Watteville attendit la nuit avec impatience. Elle s'était promis de se lever entre 2 et 3 heures du matin pour voir les fenêtres du cabinet d'Albert. Quand cette heure fut venue, elle éprouva presque du plaisir à contempler la lueur que projetaient à travers les arbres, presque dépouillés de feuilles, les bougies de l'avocat. À l'aide de cette excellente vue que possède une jeune fille, et que la curiosité semble étendre, elle vit Albert écrivant, elle crut distinguer la couleur de l'ameublement qui lui parut être rouge. La cheminée élevait au-dessus du toit une épaisse colonne de fumée. Quand tout le monde dort, il veille, comme Dieu, se dit-elle. l'éducation des filles comporte des problèmes si graves, car l'avenir d'une nation est dans la mer, que depuis longtemps l'Université de France s'est donné la tâche de n'y point songer. Voici l'un de ces problèmes. Doit-on éclairer les jeunes filles? Doit-on comprimer leur esprit? Il va sans dire que le système religieux est compresseur. Si vous les éclairez, vous en faites des démons avant l'âge. Si vous les empêchez de penser, vous arrivez à la subite explosion si bien peinte dans le personnage d'Agnès par Molière, et vous permettez cet esprit comprimé, si neuf, si perspicace, rapide et conséquent comme le sauvage, à la merci d'un événement, crise fatale amenée chez Mademoiselle de Watteville par l'imprudente esquisse que se permit à table un des plus prudents abbés du prudent chapitre de Besançon. Le lendemain matin, Mademoiselle de Watteville, en s'habillant, regarda nécessairement Albert Savaron se promenant dans le jardin contigu à celui de l'hôtel de Rupt. « Que serais-je devenu, pensa-t-elle, s'il avait demeuré ailleurs? Je puis le voir, à quoi pense-t-il? » Après avoir vu, mais à distance, cet homme extraordinaire, le seul dont la physionomie tranchait vigoureusement sur la masse des figures byzantines aperçues jusqu'alors, Rosalie sauta rapidement à l'idée de pénétrer dans son intérieur, de savoir les raisons de tant de mystères, d'entendre cette voix éloquente, de recevoir un regard de ses beaux yeux. Elle voulut tout cela, mais comment l'obtenir? Pendant toute la journée, elle tira l'aiguille sur sa broderie avec cette attention obtuse de la jeune fille qui paraît comme Agnès ne penser à rien et qui réfléchit si bien sur toute chose que ses ruses sont infaillibles. De cette profonde méditation, il résulta chez Rosalie une envie de se confesser. Le lendemain matin, après la messe, elle eut une petite conférence à Notre-Dame avec l'abbé Giroux et l'entortilla si bien que la confession fut indiquée pour le dimanche matin, à 7h30, avant la messe de 8h. Elle commit une douzaine de mensonges pour pouvoir se trouver dans l'église, une seule fois, à l'heure où l'avocat venait entendre la messe. Enfin, il lui prit un mouvement de tendresse excessif pour son père, elle l'alla voir dans son atelier, et lui demanda 1000 renseignements sur l'art du tourneur, pour arriver à conseiller à son père de tourner de grandes pièces, des colonnes. Après avoir lancé son père dans les colonnes torses, une des difficultés de l'art du tourneur, elle lui conseilla de profiter d'un gros tas de pierres qui se trouvait au beau milieu du jardin pour en faire faire une grotte, sur laquelle il mettrait un petit temple en façon de belvédère, où ces colonnes torses seraient employées et brilleraient aux yeux de toute la société. Au milieu de la joie que cette entreprise causait à ce pauvre homme inoccupé, Rosalie lui dit en l'embrassant, « Surtout, ne dis pas à ma mère de qui te vient cette idée, elle me gronderait. »« Sois tranquille, » répondit Monsieur de Watteville, qui gémissait tout autant que sa fille sous l'oppression de la terrible fille des deux Rupt. Ainsi, Rosalie avait la certitude de voir promptement bâtir un charmant observatoire, d'où la vue plongerait sur le cabinet de l'avocat. Et il y a des hommes pour lesquels les jeunes filles font de pareils chefs-d'œuvre de diplomatie, qui la plupart du temps, comme Albert Savaron, n'en savent rien. Ce dimanche, si peu patiemment attendu, vint, et la toilette de Rosalie fut faite avec un soin qui fit sourire Mariette, la femme de chambre de Madame et de Mademoiselle de Watteville. « Voici la première fois que je vois Mademoiselle si vétilleuse, » dit Mariette. « Vous me faites penser, » dit Rosalie en lançant à Mariette un regard qui mit des coquelicots sur les joues de la femme de chambre, « qu'il y a des jours où vous l'êtes aussi plus particulièrement qu'à d'autres. » En quittant le perron, en traversant la cour, en franchissant la porte, en allant dans la rue, le cœur de Rosalie battit comme lorsque nous pressentons un grand événement. Elle ne savait pas jusqu'alors ce que c'était que d'aller par les rues. Elle avait cru que sa mère lisait ses projets sur son front et qu'elle lui défendrait d'aller à confesse. Elle se sentit un sang nouveau dans les pieds, Elle les leva comme si elle marchait sur du feu. Naturellement, elle avait pris rendez-vous avec son confesseur à 8h15, en disant 8h à sa mère, afin d'attendre un quart d'heure environ auprès d'Albert. Elle arriva dans l'église avant la messe, et après avoir fait une courte prière, elle alla voir si l'abbé Giroux était à son confessionnal, uniquement pour pouvoir flâner dans l'église. Aussi se trouva-t-elle placée de manière à regarder Albert au moment où il entra dans l'église. Il faudrait qu'un homme fût atrocement laid pour n'être pas trouvé beau dans les dispositions où la curiosité mettait Mademoiselle de Watteville. Or, Albert Savaron, déjà très remarquable, fit d'autant plus d'impression sur Rosalie que sa manière d'être, sa démarche, son attitude, tout, jusqu'à son vêtement, avait ce je ne sais quoi qui ne s'explique que par le mot mystère. Il entra. La paroisse, jusque-là sombre, parut à Rosalie comme éclairée. La jeune fille fut charmée par cette démarche lente et presque solennelle des gens qui portent un monde sur leurs épaules et dont le regard profond, dont le geste, s'accordent à exprimer une pensée ou dévastatrice ou dominatrice. Rosalie comprit alors les paroles du vicaire général dans toute leur étendue. Oui, ses yeux d'un jaune brun diapré de filets d'or voilaient une ardeur qui se trahissait par des jets soudains. Rosalie, avec une imprudence que remarqua Mariette, se mit sur le passage de l'avocat de manière à échanger un regard avec lui. Et ce regard cherché lui changea le sang, car son sang frémit et bouillonna comme si sa chaleur eût doublé. Dès qu'Albert se fut assis, Mademoiselle de Watteville eut bientôt choisi sa place de manière à le parfaitement voir pendant tout le temps que lui laisserait l'abbé Giroux. Quand Mariette dit « Voilà Monsieur Giroux », il parut à Rosalie que ce temps n'avait pas duré plus de quelques minutes. Lorsqu'elle sortit du confessionnal, la messe était dite. Albert avait quitté la paroisse. Le vicaire général a raison, pensait-elle. Il souffre. Pourquoi cet aigle, car il a des yeux d'aigle, est-il venu s'abattre sur Besançon? Oh, je veux tout savoir. Et comment? Sous le feu de ce nouveau désir, Rosalie tira les points de sa tapisserie avec une admirable exactitude, et voilà ses méditations sous un petit air candide qui jouait la niaiserie à tromper Madame de Watteville. Depuis le dimanche où Mademoiselle de Watteville avait reçu ce regard, ou si vous voulez ce baptême de feu, magnifique expression de Napoléon qui peut servir à l'amour, elle mena chaudement l'affaire du belvédère. « Maman, dit-elle une fois qu'il y eut deux colonnes de tournées, mon père s'est mis en tête une singulière idée. Il tourne des colonnes pour un belvédère qu'il a le projet de faire élever en se servant de ce tas de pierres qui se trouve au milieu du jardin. Approuvez-vous cela? Moi, il me semble que... » J'approuve tout ce que fait votre père, répliqua sèchement Madame de Watteville. Et c'est le devoir des femmes de se soumettre à leur mari. Quand même, elle n'en approuverait point les idées. Pourquoi m'opposerais-je à une chose indifférente en elle-même, du moment où elle amuse Monsieur de Watteville? Mais c'est que de là nous verrons chez Monsieur de Soulas, et Monsieur de Soulas nous y verra quand nous y serons. Peut-être parlerait-on... Avez-vous, Rosalie, la prétention de conduire vos parents, et d'en savoir plus qu'eux sur la vie et sur les convenances? Je me tais, maman. Au surplus, mon père dit que la grotte fera une salle où l'on aura frais et où l'on ira prendre le café. Votre père a eu là d'excellentes idées, répondit Madame de Watteville, qui voulut aller voir les colonnes. Elle donna son approbation au projet du baron de Watteville en indiquant pour l'érection du monument une place au fond du jardin, d'où l'on n'était pas vu de chez Monsieur de Soulas, mais d'où l'on voyait admirablement chez Monsieur Albert Savaron. Un entrepreneur fut mandé, qui se chargea de faire une grotte, au sommet de laquelle on parviendrait par un petit chemin de 3 pieds de large, dans les rocailles duquel viendraient des pervenches, des iris, des viornes, des lierres, des chèvrefeuilles, de la vigne vierge. La baronne inventa de faire tapisser l'intérieur de la grotte en bois rustique, alors à la mode pour les jardinières, de mettre au fond une glace, un divan à couvercle et une table en marqueterie de bois grume. Monsieur de Soulas proposa de faire le sol en asphalte. Rosalie imagina de suspendre à la voûte un lustre en bois rustiqué. Les Vatteville font faire quelque chose de charmant dans leur jardin, disait-on dans Besançon. Ils sont riches, ils peuvent bien mettre 1000 écus pour une fantaisie. 1000 écus, dit madame de Chavoncourt. Oui, 1000 écus, s'écria le jeune monsieur de Soulas. On fait venir un homme de Paris pour rustiquer l'intérieur, mais ce sera bien joli. Monsieur de Vatteville fait lui-même le lustre. Il se met à sculpter le bois. On dit que Berquet va creuser une cave, dit un abbé. Non, reprit le jeune monsieur de Soulas. Il fonde le kiosque sur un massif en béton pour qu'il n'y ait pas d'humidité. Vous savez les moindres choses qui se font dans la maison, dit aigrement madame de Chavoncourt, en regardant une de ses grandes filles, bonne à marier depuis un an. Mademoiselle de Vatteville, qui éprouvait un petit mouvement d'orgueil en pensant au succès de son belvédère, se reconnut une éminente supériorité sur tout ce qui l'entourait. Personne ne devinait qu'une petite fille, jugée sans esprit, niaise, avait tout bonnement voulu voir de plus près le cabinet de l'avocat Savaron. L'éclatante plaidoirie d'Albert Savaron pour le chapitre de la cathédrale fut d'autant plus promptement oubliée que l'envie des avocats se réveilla. D'ailleurs, fidèle à sa retraite, Savaron ne se montra nulle part. Sans prôneur et ne voyant personne, il augmenta les chances d'oubli qui, dans une ville comme Besançon, abonde pour un étranger. Néanmoins, il plaida 3 fois au tribunal de commerce dans 3 affaires épineuses qui durent aller à la cour. Il eut ainsi pour clients 4 des plus gros négociants de la ville qui reconnurent en lui tant de sens et de ce que la province appelle une bonne judiciaire qui lui confièrent leur contentieux. Le jour où la maison Vatteville inaugura son belvédère, Savaron élevait aussi son monument. Grâce aux relations sourdes qu'il s'était acquises dans le haut commerce de Besançon, il y fondait une revue de quinzaine, appelée la Revue de l'Est, au moyen de 40 actions, de chacune 500 francs, placées entre les mains de ses 10 premiers clients, auxquels il fit sentir la nécessité d'aider aux destinées de Besançon, la ville où devait se fixer le transit entre Mulhouse et Lyon, le point capital entre le Rhin et le Rhône. Pour rivaliser avec Strasbourg, Besançon ne devait-il pas être aussi bien un centre de lumière qu'un point commercial? On ne pouvait traiter que dans une revue les hautes questions relatives aux intérêts de l'Est. Quelle gloire de ravir à Strasbourg et à Dijon leur influence littéraire, d'éclairer l'Est de la France et de lutter avec la centralisation parisienne. Ces considérations trouvées par Albert furent redites par les 10 négociants qui se les attribuèrent. L'avocat Savaron ne commit pas la faute de se mettre en nom. Il laissa la direction financière à son premier client, M. Boucher, allié par sa femme à l'un des plus gros éditeurs de grands ouvrages ecclésiastiques. Mais il se réserva la rédaction avec une part comme fondateur dans les bénéfices. Le commerce fit un appel à Dole, à Dijon, à Salins, à Neuchâtel, dans le Jura, Bourg, Nantua, Lons-le-Saunier. On y réclama le concours des Lumières et des efforts de tous les hommes studieux des 3 provinces du Bugey, de la Bresse et de la Comté. Grâce aux relations de commerce et de confraternité, 150 abonnements furent pris, eu égard au bon marché. La revue coûtait 8 francs par trimestre. Pour éviter de froisser les amours propres de province par les refus d'articles, l'avocat eut le bon esprit de faire désirer la direction littéraire de cette revue au fils aîné de M. Boucher, jeune homme de 22 ans, très avide de gloire, à qui les pièges et les chagrins de la manutention littéraire étaient entièrement inconnus. Albert conserva secrètement la haute main et se fit d'Alfred Boucher un séide. Alfred fut la seule personne de Besançon avec laquelle se familiarisa le roi du barreau. Alfred venait conférer le matin dans le jardin avec Albert sur les matières de la livraison. Il est inutile de dire que le numéro d'essai contint une méditation d'Alfred qui eut l'approbation de Savaron. Dans sa conversation avec Alfred, Albert laissa échapper de grandes idées, des sujets d'articles dont profitait le jeune boucher. Aussi, le fils du négociant croyait-il exploiter ce grand homme. Albert était un homme de génie, un profond politique pour Alfred. Les négociants, enchantés du succès de la revue, n'eurent à verser que 3/10 de leurs actions. Encore 200 abonnements. La revue allait donner 5% de dividendes à ses actionnaires, la rédaction n'étant pas payée. Cette rédaction était impayable. Au 3e numéro, la revue avait obtenu l'échange avec tous les journaux de France, qu'Albert lut alors chez lui. Ce 3e numéro contenait une nouvelle signée A.S. et attribuée au fameux avocat. Malgré le peu d'attention que la haute société de Besançon accordait à cette revue accusée de libéralisme, il fut question chez Madame de Chavoncourt, au milieu de l'hiver, de cette première nouvelle éclose dans la comté. « Mon père, dit Rosalie, il se fait une revue à Besançon. Tu devrais bien t'y abonner, et la garder chez toi, car maman ne me la laisserait pas lire, mais tu me la prêteras. » Empressé d'obéir à sa chère Rosalie, qui depuis 5 mois lui donnait des preuves de tendresse, monsieur de Vatteville alla prendre lui-même un abonnement d'1 an à la revue de l'Est et prêta les 4 numéros parus à sa fille. Pendant la nuit, Rosalie put dévorer cette nouvelle, la première qu'elle lut de sa vie, mais elle ne se sentait vivre que depuis 2 mois. Aussi ne faut-il pas juger de l'effet que cette œuvre dut produire sur elle, d'après les données ordinaires. Sans rien préjuger du plus ou moins de mérite de cette composition due à un Parisien qui apportait en province la manière, l'éclat, si vous voulez, de la nouvelle école littéraire, elle ne pouvait point ne pas être un chef-d'œuvre pour une jeune personne, livrant sa vierge intelligence, son cœur pur, à un premier ouvrage de ce genre. D'ailleurs, sur ce qu'elle en avait entendu dire, Rosalie s'était fait, par intuition, une idée qui rehaussait singulièrement la valeur de cette nouvelle. Elle espérait y trouver les sentiments, et peut-être quelque chose de la vie d'Albert. Dès les premières pages, cette opinion prit chez elle une si grande consistance, qu'après avoir achevé ce fragment, elle eut la certitude de ne pas se tromper. Voici donc cette confidence où, selon les critiques du salon Chavoncourt, Albert aurait imité quelques-uns des écrivains modernes qui, faute d'invention, racontent leur propre joie, leur propre douleur ou les événements mystérieux de leur existence. L'ambitieux par amour. En 1823, deux jeunes gens qui s'étaient donné pour thème de voyage de parcourir la Suisse partirent de Lucerne par une belle matinée du mois de juillet sur un bateau que conduisaient 3 rameurs et allaient à Fluelen en se promettant de s'arrêter sur le lac des 4 cantons à tous les lieux célèbres. Les paysages qui de Lucerne à Fluelen environnent les eaux présente toutes les combinaisons que l'imagination la plus exigeante peut demander aux montagnes et aux rivières, aux lacs et aux rochers, aux ruisseaux et à la verdure, aux arbres et aux torrents. C'est tantôt d'austères solitudes et de gracieux promontoires, des vallées coquettes et fraîches, des forêts placées comme un panache sur le granit taillé droit, des baies solitaires et fraîches, qui s'ouvrent, des vallées dont les trésors apparaissent embellis par le lointain des rêves. En passant devant le charmant bourg de Gersau, l'un des deux amis regarda longtemps une maison en bois qui paraissait construite depuis peu de temps, entourée d'un palis assise sur un promontoire et presque baignée par les eaux. Quand le bateau passa devant, une tête de femme s'éleva du fond de la chambre qui se trouvait au dernier étage de cette maison pour jouir de l'effet du bateau sur le lac. L'un des jeunes gens reçut le coup d'œil jeté très indifféremment par l'inconnu. « Arrêtons-nous ici, » dit-il à son ami. « Nous voulions faire de Lucerne notre quartier général pour visiter la Suisse. Tu ne trouveras pas mauvais, Léopold, que je change d'avis et que je reste ici à garder les manteaux. Tu feras tout ce que tu voudras. Moi, mon voyage est fini. Marinier, virez de bord et descendez-nous à ce village. Nous allons y déjeuner. J'irai chercher à Lucerne tous nos bagages et tu sauras, avant de partir d'ici, dans quelle maison je me logerai pour m'y retrouver à ton retour. Ici ou à Lucerne, dit Léopold, il n'y a pas assez de différence pour que je t'empêche d'obéir à un caprice. Ces jeunes gens étaient deux amis dans la véritable acception du mot. Ils avaient le même âge, leurs études s'étaient faites dans le même collège, et après avoir fini leur droit, ils employaient les vacances au classique voyage de la Suisse. Par un effet de la volonté paternelle, Léopold était déjà promis à l'étude d'un notaire à Paris. Son esprit de rectitude, sa douceur, le calme de ses sens et de son intelligence garantissaient sa docilité. Léopold se voyait notaire à Paris. Sa vie était devant lui comme un de ces grands chemins qui traversent une plaine de France. Il l'embrassait dans toute son étendue, avec une résignation pleine de philosophie. Le caractère de son compagnon, que nous appellerons Rodolphe, offrait avec le sien un contraste dont l'antagonisme avait sans doute eu pour résultat de resserrer les liens qui les unissaient. Rodolphe était le fils naturel d'un grand seigneur qui fut surpris par une mort prématurée sans avoir pu faire de disposition pour assurer des moyens d'existence à une femme tendrement aimée et à Rodolphe. Ainsi trompé par un coup du sort, la mère de Rodolphe avait eu recours à un moyen héroïque. Elle vendit tout ce qu'elle tenait de la munificence du père de son enfant, fit une somme de 100 et quelques 1000 francs, la plaça sur sa propre tête en viager, à un taux considérable, et se composa de cette manière un revenu d'environ 15 000 francs, en prenant la résolution de tout consacrer à l'éducation de son fils, afin de le douer des avantages personnels les plus propres à faire fortune et de lui réserver à force d'économie un capital à l'époque de sa majorité. C'était hardi, c'était compter sur sa propre vie. Mais sans cette hardiesse, il eût été sans doute impossible à cette bonne mère de vivre, d'élever convenablement cet enfant, son seul espoir, son avenir, est l'unique source de ses jouissances. Née d'une des plus charmantes parisiennes et d'un homme remarquable de l'aristocratie brabançonne, fruit d'une passion égale et partagée, Rodolphe fut affligé d'une excessive sensibilité. Dès son enfance, il avait manifesté la plus grande ardeur en toutes choses. Chez lui, le désir devint une force supérieure et le mobile de tout l'être, le stimulant de l'imagination, la raison de ses actions. Malgré les efforts d'une mère spirituelle, qui s'effraya dès qu'elle s'aperçut d'une pareille prédisposition, Rodolphe désirait comme un poète imagine, comme un savant calcule, comme un peintre crayonne, comme un musicien formule des mélodies. Tendre comme sa mère, il s'élançait avec une violence inouïe et par la pensée vers la chose souhaitée, il dévorait le temps. En rêvant l'accomplissement de ses projets, il supprimait toujours les moyens d'exécution. « Quand mon fils aura des enfants, disait la mère, il les voudra grands tout de suite. » Cette belle ardeur, convenablement dirigée, servit à Rodolphe à faire de brillantes études, à devenir ce que les Anglais appellent un parfait gentilhomme. Sa mère était alors fière de lui, tout en craignant toujours quelque catastrophe, si jamais une passion s'emparait de son cœur, à la fois si tendre et si sensible, si violente et si bon. Aussi cette prudente femme avait-elle encouragé l'amitié qui liait Léopold à Rodolphe et Rodolphe à Léopold, en voyant, dans le froid et dévoué notaire, un tuteur, un confident, qui pourrait jusqu'à un certain point la remplacer auprès de Rodolphe, si par malheur elle venait à lui manquer. Encore belle, à 43 ans, la mère de Rodolphe avait inspiré la plus vive passion à Léopold. Cette circonstance rendait les deux jeunes gens encore plus intimes. Léopold, qui connaissait bien Rodolphe, ne fut donc pas surpris de le voir, à propos d'un regard jeté sur le haut d'une maison, s'arrêtant à un village et renonçant à l'excursion projetée au Saint-Gothard. Pendant qu'on leur préparait à déjeuner à l'auberge du Cygne, les deux amis firent le tour du village et arrivèrent dans la partie qui avoisinait la charmante maison neuve où, tout en flânant et causant avec les habitants, Rodolphe découvrit une maison de petits bourgeois disposés à le prendre en pension, selon l'usage assez général de la Suisse. On lui offrit une chambre ayant vue sur le lac, sur les montagnes, et d'où se découvrait la magnifique vue d'un de ces prodigieux détours qui recommandent le lac des Quatre Cantons à l'admiration des touristes. Cette maison se trouvait séparée par un carrefour et par un petit port de la maison neuve où Rodolphe avait entrevu le visage de sa belle inconnue. Pour 100 francs par mois, Rodolphe n'eut à penser à aucune des choses nécessaires à la vie, mais en considération des frais que les époux Stopfer se proposaient de faire, ils demandèrent le paiement du 3e mois d'avance. Pour peu que vous frottiez un Suisse, il reparaît un usurier. Après le déjeuner, Rodolphe s'installa sur le champ en déposant dans sa chambre ce qu'il avait emporté d'effet pour son excursion au Saint-Gothard, et il regarda passer Léopold qui, par esprit d'ordre, allait s'acquitter de l'excursion pour le compte de Rodolphe et pour le sien. Quand Rodolphe, assis sur une roche tombée en avant du bord, ne vit plus le bateau de Léopold, il examina, mais en dessous, la maison neuve en espérant apercevoir l'inconnu. Hélas, il rentra sans que la maison eût donné signe de vie. Au dîner que lui offrirent monsieur et madame Stopfer, ancien tonnelier à Neufchâtel, il les questionna sur les environs et finit par apprendre tout ce qu'il voulait savoir sur l'inconnu, grâce au bavardage de ses hôtes, qui vidèrent, sans se faire prier, le sac au commérage. L'inconnu s'appelait Fanny Lovelace. Ce nom, qui se prononce Lovelace, appartient à de vieilles familles anglaises. Mais Richardson en a fait une création dont la célébrité nuit à tout autre. Miss Lovelace était venue s'établir sur le lac pour la santé de son père, à qui les médecins avaient ordonné l'air du canton de Lucerne. Ces deux Anglais, arrivés sans autre domestique qu'une petite fille de 14 ans, très attachée à Miss Fanny, une petite muette qui la servait avec intelligence, s'était arrangé avant l'hiver dernier avec monsieur et madame Bergman, ancien jardinier en chef de son excellence le comte Borromeo, à l'Isola Bella et à l'Isola Madre sur le lac Majeur. Ces Suisses, riches d'environ 1000 écus de rente, louaient l'étage supérieur de leur maison au Lovelace à raison de 200 francs par an pour 3 ans. Le vieux Lovelace, vieillard nonagénaire très cassé, trop pauvre pour se permettre certaines dépenses, sortait rarement. Sa fille travaillait pour le faire vivre en traduisant, disait-on, des livres anglais et faisant elle-même des livres. Aussi les Lovelace n'osaient-ils ni louer de bateaux pour se promener sur le lac, ni chevaux, ni guides pour visiter les environs. Un dénuement qui exige de pareilles privations excite d'autant plus la compassion des Suisses qu'ils y perdent une occasion de gain. La cuisinière de la maison, nourrissant ces 3 Anglais à raison de 100 francs par mois tout compris, mais on croyait dans tout Gersau que les anciens jardiniers, malgré leurs prétentions à la bourgeoisie, se cachaient sous le nom de leur cuisinière pour réaliser les bénéfices de ce marché. Les Bergmann s'étaient créés d'admirables jardins et une serre magnifique autour de leur habitation. Les fleurs, les fruits, les raretés botaniques de cette habitation avaient déterminé la jeune Miss à la choisir à son passage à Gersau. On donnait 19 ans à Miss Fanny qui, le dernier enfant de ce vieillard, devait être adulée par lui. Il n'y avait pas plus de 2 mois, elle s'était procuré un piano à loyer, venu de Lucerne, car elle paraissait folle de musique. « Elle aime les fleurs et la musique, » pensa Rodolphe, « et elle est à marier. Quel bonheur !» Le lendemain, Rodolphe fit demander la permission de visiter les serres et les jardins, qui commençaient à jouir d'une certaine célébrité. Cette permission ne fut pas immédiatement accordée. Ces anciens jardiniers demandèrent, chose étrange, avoir le passeport de Rodolphe, qu'il envoya sur le champ. Le passeport ne lui fut renvoyé que le lendemain par la cuisinière, qui lui fit part du plaisir que ses maîtres auraient à lui montrer leur établissement. Rodolphe n'alla pas chez les Bergmann sans un certain tressaillement que connaissent seuls les gens à émotions vives et qui déploient dans un moment autant de passion que certains hommes en dépensent pendant toute leur vie. Mis avec recherche pour plaire aux anciens jardiniers des îles Borromée, car il vit en eux les gardiens de son trésor, il parcourut les jardins en regardant de temps en temps la maison, mais avec prudence. Les 2 vieux propriétaires lui témoignaient une assez visible défiance. Mais son attention fut bientôt excitée par la petite Anglaise muette, en qui sa sagacité, quoique jeune encore, lui fit reconnaître une fille de l'Afrique, ou tout au moins une Sicilienne. Cette petite fille avait le ton doré d'un cigare de la Havane, des yeux de feu, des paupières arméniennes, à cils d'une longueur anti-britannique, des cheveux plus que noirs, et sous cette peau presque olivâtre, des nerfs d'une force singulière, d'une vivacité fébrile. Elle jetait sur Rodolphe des regards inquisiteurs, d'une effronterie incroyable, et suivait ses moindres mouvements. « À qui cette petite mauresque appartient-elle » dit-il à la respectable Madame Bergmann. « Aux Anglais, » répondit Monsieur Bergmann. « Elle n'est toujours pas née en Angleterre. »« Ils l'auront peut-être amenée des Indes, » répondit Madame Bergmann. « On m'a dit que la jeune Miss Lovelace aimait la musique. Je serais enchanté si pendant mon séjour sur ce lac, auquel me condamne une ordonnance de médecin, elle voulait me permettre de faire de la musique avec elle. » « Ils ne reçoivent et ne veulent voir personne, » dit le vieux jardinier. Rodolphe se mordit les lèvres et sortit sans avoir été invité à entrer dans la maison, ni avoir été conduit dans la partie du jardin qui se trouvait entre la façade et le bord du promontoire. De ce côté, la maison avait au-dessus du premier étage une galerie en bois couverte par le toit dont la saillie était excessive, comme celle des couvertures de chalets, et qui tournait sur les 4 côtés du bâtiment à la mode suisse. Rodolphe avait beaucoup loué cette élégante disposition et vanté la vue de cette galerie, mais ce fut en vain. Quand il eut salué les Bergmann, il se trouva sot vis-à-vis de lui-même, comme tout homme d'esprit et d'imagination, trompé par l'insuccès d'un plan à la réussite duquel il a cru. Le soir, il se promena naturellement en bateau sur le lac, autour de ce promontoire. Il alla jusqu'à Brunnen, à Schwitz, et revint à la nuit tombante. De loin, il aperçut la fenêtre ouverte et fortement éclairée. Il put entendre les sons du piano et les accents d'une voix délicieuse. Aussi fit-il arrêter afin de s'abandonner au charme d'écouter un air italien divinement chanté. Quand le chant eut cessé, Rodolphe aborda, renvoya la barque et les 2 bateliers. Au risque de se mouiller les pieds, il vint s'asseoir sur le banc de granit rongé par les eaux que couronnait une forte haie d'acacias épineux et le long de laquelle s'étendait dans le jardin Bergmann une allée de jeunes tilleuls. Au bout d'1 heure, il entendit parler et marcher au-dessus de sa tête, mais les mots qui parvinrent à son oreille étaient tous italiens et prononcés par deux voix de femmes, deux jeunes femmes. Il profita du moment où les deux interlocutrices se trouvaient à une extrémité pour se glisser à l'autre sans bruit. Après une demi-heure d'effort, il atteignit au bout de l'allée et put, sans être aperçu ni entendu, prendre une position d'où il verrait les deux femmes sans être vu par elles quand elles viendraient à lui. Quel ne fut pas l'étonnement de Rodolphe en reconnaissant la petite Muette pour l'une des deux femmes. Elle parlait en italien avec Miss Lovelace. Il était alors 11 heures du soir. Le calme était si grand sur le lac et autour de l'habitation que ces deux femmes devaient se croire en sûreté. Dans tout Gersau, il n'y avait que leurs yeux qui pussent être ouverts. Rodolphe pensa que le mutisme de la petite était une ruse nécessaire. À la manière dont se parlait l'italien, Rodolphe devina que c'était la langue maternelle de ces deux femmes. Il en conclut que la qualité d'anglais cachait une ruse. « C'est des Italiens réfugiés, se dit-il, des proscrits qui sans doute ont à craindre la police de l'Autriche ou de la Sardaigne. La jeune fille attend la nuit pour pouvoir se promener et causer en toute sûreté. » Aussitôt, il se coucha le long de la haie et rampa comme un serpent pour trouver un passage entre deux racines d'acacia, au risque d'y laisser son habit ou de se faire de profondes blessures au dos. Il traversa la haie quand la prétendue Miss Fanny et sa prétendue Muette furent à l'autre extrémité de l'allée, puis quand elles arrivèrent à 20 pas de lui sans le voir, car il se trouvait dans l'ombre de la haie, alors fortement éclairé par la lueur de la lune, il se leva brusquement. « Ne craignez rien, dit-il en français à l'italienne. Je ne suis pas un espion. Vous êtes des réfugiés, je les devinais. Moi, je suis un Français, qu'un seul de vos regards a cloué à Gersau. » Rodolphe, atteint par la douleur que lui causa un instrument d'acier en lui déchirant le flanc, tomba terrassé. « Nel lago con pietra, dit la terrible Muette. « Ah, Gina, s'écria l'italienne. « Elle m'a manqué, dit Rodolphe en retirant de la plaie un stylet qui s'était heurté contre une fausse côte, mais un peu plus haut, il allait au fond de mon cœur. « J'ai eu tort, Francesca, dit-il en se souvenant du nom que la petite Gina avait plusieurs fois prononcé. « Je ne lui en veux pas, ne la grondez point. Le bonheur de vous parler vaut bien un coup de stylet. Seulement, montrez-moi le chemin, il faut que je regagne la maison Stoffer. « Soyez tranquille, je ne dirai rien. » Francesca, revenue de son étonnement, aida Rodolphe à se relever et dit quelques mots à Gina dont les yeux s'emplirent de larmes. Les deux femmes forcèrent Rodolphe à s'asseoir sur un banc, à quitter son habit, son gilet, sa cravate. Gina ouvrit la chemise et suça fortement à la plaie. Francesca, qu'ils avaient quittée, revint avec un large morceau de taffetas d'Angleterre et l'appliqua sur la blessure. « Vous pourrez aller ainsi jusqu'à votre maison, » reprit-elle. Chacune d'elles s'empara d'un bras, et Rodolphe fut conduit à une petite porte dont la clé se trouvait dans la poche du tablier de Francesca. « Gina parle-t-elle français ?» dit Rodolphe à Francesca. « Non, mais ne vous agitez pas, » dit Francesca d'un petit ton d'impatience. « Laissez-moi vous voir, » répondit Rodolphe avec attendrissement. « Car peut-être saurai-je longtemps sans pouvoir venir. » Il s'appuya sur un des poteaux de la petite porte et contempla la belle italienne qui se laissa regarder pendant un instant par le plus beau silence et par la plus belle nuit qui ait jamais éclairé ce lac, le roi des lacs suisses. Francesca était bien l'italienne classique et telle que l'imagination veut, fait ou rêve, si vous voulez, les italiennes. Ce qui saisit tout d'abord Rodolphe, ce fut l'élégance et la grâce de la taille, dont la vigueur se trahissait malgré son apparence frêle, tant elle était souple. Une pâleur d'ambre répandue sur la figure accusait un intérêt subit, mais qui n'effaçait pas la volupté de deux yeux humides et d'un noir velouté. Deux mains, les plus belles que jamais sculpteur grec ait attachées au bras poli d'une statue, tenaient le bras de Rodolphe, et leur blancheur tranchait sur le noir de l'habit. l'imprudent français ne put qu'entrevoir la forme ovale un peu longue du visage dont la bouche attristée, entr'ouverte, laissait voir des dents éclatantes entre deux larges lèvres fraîches et colorées. La beauté des lignes de ce visage garantissait à Francesca la durée de cette splendeur. Mais ce qui frappa le plus Rodolphe fut l'adorable laisser-aller, la franchise italienne de cette femme qui s'abandonnait entièrement à sa compassion. Francesca dit un mot à Gina, qui donna son bras à Rodolphe jusqu'à la maison Stopfer et se sauva comme une hirondelle quand elle eut sonné. Ces patriotes n'y vont pas de main morte, se disait Rodolphe, en sentant ses souffrances quand il se trouva seul dans son lit. Nel lago, Gina m'aurait jeté dans le lac avec une pierre au cou. Au jour, il envoya chercher à Lucerne le meilleur chirurgien, et quand il fut venu, il lui recommanda le plus profond secret en lui faisant entendre que l'honneur l'exigeait. Léopold revint de son excursion le jour où son ami quittait le lit. Rodolphe lui fit un compte et le chargea d'aller à Lucerne chercher les bagages et leurs lettres. Léopold apporta la plus funeste, la plus horrible nouvelle. La mère de Rodolphe était morte. Pendant que les deux amis allaient de Bâle à Lucerne, la fatale lettre, écrite par le père de Léopold, y était arrivée le jour de leur départ pour Fluelen. Malgré les précautions que prit Léopold, Rodolphe fut saisi par une fièvre nerveuse. Dès que le futur notaire vit son ami hors de danger, il partit pour la France muni d'une procuration. Rodolphe put ainsi rester à Gersau, le seul lieu du monde où sa douleur pouvait se calmer. La situation du jeune Français, son désespoir et les circonstances qui rendaient cette perte plus affreuse pour lui que pour tout autre, furent connues et attirèrent sur lui la compassion et l'intérêt de tout Gersau. Chaque matin, la fausse muette vint voir le Français afin de donner des nouvelles à sa maîtresse. Quand Rodolphe put sortir, il alla chez les Bergman remercier Miss Fanny Lovelace et son père de l'intérêt qu'il lui avait témoigné. Pour la première fois depuis son établissement chez les Bergman, le vieil Italien laissa pénétrer un étranger dans son appartement, où Rodolphe fut reçu avec une cordialité due et à ses malheurs et à sa qualité de Français, qui excluait toute défiance. Francesca se montra si belle aux lumières pendant la première soirée qu'elle fit entrer un rayon dans ce cœur abattu. Ses sourires jetèrent les roses de l'espérance sur ce deuil. Elle chanta, non point des airs gais, mais de graves et sublimes mélodies appropriées à l'état du cœur de Rodolphe, qui remarqua ce soin touchant. Vers 8 heures, le vieillard laissa ses deux jeunes gens seuls, sans aucune apparence de crainte, et se retira chez lui. Quand Francesca fut fatiguée de chanter, elle amena Rodolphe sur la galerie extérieure, d'où se découvrait le sublime spectacle du lac, et lui fit signe de s'asseoir près d'elle sur un banc de bois rustique. « Y a-t-il de l'indiscrétion à vous demander votre âge, cara Francesca ?» dit Rodolphe. « 19 ans, répondit-elle, mais passé. » Si quelque chose au monde pouvait atténuer ma douleur, ce serait, reprit-il, l'espoir de vous obtenir de votre père, en quelque situation de fortune que vous soyez. Belle comme vous êtes, vous me paraissez plus riche que ne le serait la fille d'un prince. Aussi tremblais-je en vous faisant l'aveu des sentiments que vous m'avez inspirés. Mais ils sont profonds, ils sont éternels. « Zitto !» dit Francesca en mettant un des doigts de sa main droite sur ses lèvres. « N'allez pas plus loin. Je ne suis pas libre, je suis mariée depuis 3 ans. » Un profond silence régna pendant quelques instants entre eux. Quand l'Italienne, effrayée de la pose de Rodolphe, s'approcha de lui, elle le trouva tout à fait évanoui. « Povero !» se dit-elle, « moi qui le trouvais froid. » Elle alla chercher des sels, et ranima Rodolphe en les lui faisant respirer. « Marié, » dit Rodolphe en regardant Francesca. Ses larmes coulèrent alors en abondance. « Enfant, dit-elle, il y a de l'espoir. Mon mari a 80 ans, dit Rodolphe. « Non, répondit-elle en souriant, 65. Il s'est fait un masque de vieillard pour déjouer la police. « Cher, dit Rodolphe, encore quelque émotion de ce genre et je mourrai. Après 20 années de connaissance seulement, vous saurez quelle est la force et la puissance de mon cœur, de quelle nature sont ses aspirations vers le bonheur. Cette plante ne monte pas avec plus de vivacité pour s'épanouir aux rayons du soleil, dit-il en montrant un jasmin de Virginie qui enveloppait la balustrade, que je ne me suis attaché depuis un mois à vous. Je vous aime d'un amour unique. Cet amour sera le principe secret de ma vie, et j'en mourrai peut-être. Ô Français, Français, fit-elle en commentant son exclamation par une petite moue d'incrédulité. Ne faudrait-il pas vous attendre, vous recevoir des mains du temps, reprit-il avec gravité. Mais sachez-le, si vous êtes sincère dans la parole qui vient de vous échapper, je vous attendrai fidèlement sans laisser aucun autre sentiment croître dans mon cœur. » Elle le regarda sournoisement. « Rien, dit-il, pas même une fantaisie. J'ai ma fortune à faire. Il vous en faut une splendide. La nature vous a créé princesse. » À ce mot, Francesca ne put retenir un faible sourire qui donna l'expression la plus gravissante à son visage. Quelque chose de fin, comme ce que le grand Léonard a si bien peint dans la Joconde. Ce sourire fit faire une pause à Rodolphe. « Oui, reprit-il, vous devez souffrir de dénuement auquel vous réduit l'exil. Ah, si vous vouliez me rendre heureux entre tous les hommes et sanctifier mon amour, vous me traiterez en ami. Ne dois-je pas être votre ami aussi? Ma pauvre mère m'a laissé 60 000 francs d'économie. Prenez-en la moitié. » Francesca le regarda fixement. Ce regard perçant alla jusqu'au fond de l'âme de Rodolphe. « Nous n'avons besoin de rien. Mes travaux suffisent à notre luxe, répondit-elle d'une voix grave. « Puis-je souffrir qu'une Francesca travaille ? » s'écria-t-il. « Un jour, vous reviendrez dans votre pays et vous y retrouverez ce que vous y avez laissé. » De nouveau, la jeune Italienne regarda Rodolphe. « Et vous me rendrez ce que vous aurez daigné m'emprunter, » ajouta-t-il, avec un regard plein de délicatesse. « Laissons ce sujet de conversation, » reprit-elle avec une incomparable noblesse de gestes, de regard et d'attitude. « Faites une brillante fortune, soyez un des hommes remarquables de votre pays, je le veux. L'illustration est un pont volant qui peut servir à franchir un abîme. Soyez ambitieux, il le faut. Je vous crois de hautes et de puissantes facultés, mais servez-vous-en plus pour le bonheur de l'humanité que pour me mériter. » Vous en serez plus grand à mes yeux.